Chapitre 6. Le don apparaît vers 18 ans, parfois un peu plus tard, mais très rarement avant, ou alors il demeure embryonnaire. Pourtant, les plus grands dessinateurs ont tous en commun leur précocité. Mieux, il semblerait qu'un don installé à l'orée de l'adolescence offre parfois à son détenteur un pouvoir très supérieur à la norme. Confirmation ou paradoxe ? Maître Du Omnilergue, discours d'ouverture de la 345e session de l'Assemblée de la Guilde des Analystes. Madame Boulanger se tourna vers Camille. Tu as eu moins de chance que Mathieu. Tu aurais pourtant pu être très heureuse si Hervé n'avait pas eu ce stupide accident. Sans doute, acquiesça Camille. Mais cela n'explique pas comment les du ciel m'ont adoptée. En guise de réponse, Madame Boulanger se leva et décrocha une photographie, qu'elle contempla un instant avant de la tendre à Camille. Voici un des clichés qui ont assuré la renommée d'Hervé, précisa-t-elle. Il l'a pris en Corée il y a une douzaine d'années. Camille avait sous les yeux une photo en noir et blanc sur laquelle apparaissait un jeune garçon pliant sous le poids d'un énorme sac. Le photographe avait su saisir dans les yeux du gamin la détresse d'une maturité trop vite arrivée et le fardeau d'une misère désespérée. La photo était remarquable, mais ce fut la signature, en bas à droite, qui retint l'attention de Camille. Hervé Duciel. Hervé était le frère de Maxime Duciel, ton père adoptif, précisa Madame Boulanger. Une pièce importante du puzzle se mettait en place et Camille sentit un poids invisible quitter ses épaules. Ses parents avaient certes choisi de l'exiler, mais ils n'avaient cherché que son bonheur et sa sécurité. Seul un dramatique coup du sort l'avait conduite dans une famille aussi peu aimante. « Je comprends, » murmura-t-elle. « Mais pourquoi les du ciel ? J'ai toujours su qu'ils ne m'aimaient pas. Malgré tous mes efforts, ils m'ont toujours considérée comme une étrangère. » « La vérité n'est pas très jolie, » expliqua Madame Boulanger. Hervé était un photographe célèbre. Il avait remporté plusieurs prix, dont un prestigieux. De nombreux journaux s'arrachaient ses services et il gagnait très bien sa vie. Son frère le jalousait beaucoup. Hervé savait qu'il prenait des risques en se rendant dans tous les endroits du globe où les hommes sont fous. Quand il a accepté la responsabilité de t'élever, il a voulu que tu sois en sécurité s'il lui arrivait quelque chose. Il a rédigé un acte notarié, léguant ses biens à son frère si celui-ci acceptait de t'adopter en cas de malheur. Et le pire est advenu. La mort a frappé, non pas dans un pays étranger, mais sur une route de campagne. Moins de 10 jours plus tard, Maxime Duciel est officiellement devenu ton père adoptif. Hors de question pour un individu de son espèce de renoncer à l'héritage de son frère, même si tu faisais partie du lot. Camille hésita un instant. Elle ne voulait pas blesser cette femme si gentille. Pour autant, elle devait comprendre, tout comprendre. Mais pourquoi Hervé Duciel m'a-t-il confié à son frère ? Et pourquoi n'avez-vous rien fait ? Ne croyez pas que je veuille vous reprocher quoi que ce soit, mais je me suis si souvent demandé ce que je faisais chez les Duciel. Les réponses à tes deux questions sont malheureusement faciles à donner. Hervé manquait d'objectivité pour tout ce qui concernait son frère. Il savait que Maxime et sa femme avaient toujours voulu un enfant. Il était persuadé que tu serais la bienvenue chez eux, que tu serais heureuse. Et puis ce testament n'était qu'une précaution. Comme la plupart des hommes, il ne s'attendait pas à mourir. Mathieu prit la parole d'une voix douce. D'accord, mais pourquoi n'avoir rien fait pour Camille quand vous avez compris que les du ciel ne l'aimaient pas ? Tu oublies ce que nous avait raconté Alicia. Votre irruption dans notre monde signifiait qu'il était arrivé quelque chose de grave à vos parents, que vous étiez en danger. Nous devions tout faire pour que vous ne vous rencontriez pas. Nous n'avions pas le choix. Ta vie et Willa nous échappaient. Je comprends, murmura Camille. Je comprends. Elle était apaisée. Cette année de sa vie venait de prendre un sens. Le soulagement la rendait légère. Légère. Et maintenant ? Demanda Mathieu à sa mère. Je suppose que si Ewilan t'a retrouvée, c'est que les choses ont changé. Vous allez partir, non ? Mathieu se tourna vers sa sœur et Camille prit conscience que la question lui était adressée. « Oui, » admit-elle, « nous allons partir. Dès demain matin, c'est-à-dire tout à l'heure. La situation au Gwendalavir est redevenue normale, mais nos parents ont besoin de notre aide. Comment peux-tu le savoir ? S'étonna Madame Boulanger. C'est vraiment une très longue histoire, répondit Camille. Je crois que vous devrez attendre que nous revenions pour l'entendre. Le visage de Madame Boulanger s'éclaira. Mathieu reviendra ? Tu me dis la vérité ? Bien sûr, je ne kidnappe personne. Je ne pense pas que nous sommes de retour pour la rentrée des Beaux-Arts, mais Mathieu, quelle que soit la direction que prendra sa vie, pourra toujours aller et venir entre les deux mondes. Une larme de bonheur perla au coin des yeux de Madame Boulanger. Elle l'essuya négligemment du revers de la main. « C'est magnifique !» s'exclama-t-elle. « Je savais que je ne devais pas me mettre en travers de ta route, Mathieu, mais l'idée de ne plus te revoir était insupportable. »« Ne plus me revoir ? Tu plaisantes ?» répliqua Mathieu, qui paraissait aussi ému que sa mère adoptive. « Tu crois sans doute que je peux me passer de tes crêpes et de tes cannellonis ?» Madame Boulanger fit mine de lui pincer le nez. « Espèce de sale gamin !» lança-t-elle en riant. Puis elle retrouva son sérieux. « Si vous devez partir tôt, il vous faut dormir un peu. Au lit !» ordonna-t-elle.